a tourné la page. Mais j'ai pris ton cœur en otage. Je sais que ta copine me déteste. N'écoute pas, je ne sens que des rageuses. Je voudrais que tu m'encourages. Je t'ai présenté à mon entourage. Je me souviens comment t'es à ma paire de chaussures, veste en cuir et du farage. Tu sais que j'aime tes formes, mais dois-je faire des efforts? Non. Dans les débuts devant ta porte, j'étais formel. Je voudrais qu'elle revienne, mais le mal est fait. Je sais. J'suis pris dans un tourbillon. Et je plane comme un avion. Dans le vent quelques papillons. Tous nos souvenirs sont papillés. On rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait. Puis toi et moi, qu'est-ce qu'on rigolait. Puis on rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait. Après deux, trois caresses, on rigolait. Puis on rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait. Après deux, trois caresses, on rigolait. Puis on rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait. Puis toi et moi, qu'est-ce qu'on rigolait. Puis qu'est-ce qu'on rigolait, oh. Tous les deux isolés, oh. J'ai besoin de ta chaleur et ta présence, puis ferme-moi les volets, oh. Je me retourne, mais t'es pas là. T'es la bienvenue de mon palace. Oh, sentir ta langue sur mon palais. Tu sais que j'aime tes formes, mais dois-je faire des efforts, non. Dans les débuts devant ta porte, j'étais formel. Je voudrais qu'elle revienne, mais le mal est fait. Je sais. J'suis pris dans un tourbillon. Et je plane comme un avion. Dans le vent quelques papillons. Tous nos souvenirs sont papillés. On rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait. Puis toi et moi, qu'est-ce qu'on rigolait. Puis on rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait. Après deux, trois caresses, on rigolait. Puis on rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait. Après deux, trois caresses, on rigolait. Puis on rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait. Puis toi et moi, qu'est-ce qu'on rigolait. Elle a tourné la page, c'est dommage. J'ai la moitié de mon cœur endommagé. Elle a tourné la page, c'est dommage. J'ai la moitié de mon cœur endommagé. Elle a tourné la page, c'est dommage. J'ai la moitié de mon cœur endommagé. J'suis pris dans un tourbillon. Et je plane comme un avion. Dans le vent quelques papillons. Tous nos regrets sont papillés. On rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait. Puis toi et moi, qu'est-ce qu'on rigolait. Puis on rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait. Après deux, trois caresses, on rigolait. Puis on rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait. Après deux, trois caresses, on rigolait. Puis on rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait. Puis toi et moi, qu'est-ce qu'on rigolait.